Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 44. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 17 septembre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es bolchevique français. Tu es place du colonel Fabien, tu es pif gadget, tu es frère des soviets, tu es comité central et tu es aussi... Quand j'ai entendu François Mitterrand, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris. Oui, tu l'auras compris, camarade. Ce matin, tu es PCF, tu es Parti communiste français. Ce week-end, à La Courneuve, se tient la 71e édition de la célèbre fête de l'UMA, kermesse paroissiale des communistes. Alors, à 8 mois désormais des élections présidentielles, où en sont réellement aujourd'hui les héritiers de Georges Marchais? Eh bien, pendant que les communistes s'interrogent ce week-end sur leur avenir, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'attraper une faucille et un marteau pour bricoler une émission à l'attention des masses populaires. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle du Parti communiste français. Pour commencer, de Karl Marx à Robert Rue, il faut, tel Staline, réécrire l'histoire du Parti des bolcheviques français. Ensuite, nous nous intéresserons à la panoplie du militant Coco, dissident compris. On enchaînera sur une petite séquence nostalgie où nous retrouverons l'irremplacé Georges Marchais, secrétaire général du parti, pour une interview vérité. Et puis, nous avons tenté d'imaginer ce que nous serions devenus si les chars de Brejnev étaient réellement arrivés en France en 1980. Petit voyage donc dans la République populaire de France. Et enfin, te raconter comment Monique a su convaincre Jean-Claude, anti-communiste primaire, de la rejoindre à la fête de l'UMA hier après-midi. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et danse, camarade. I'm Tainted Love, une reprise new wave d'une chanson de Gloria Jones par le groupe Soft Cell en 1981. Soft Cell, autrement dit douce cellule, qui pourrait se traduire en soviétique par grosse goulag. Alors, nous voici donc embarqués dans une nouvelle aventure foutraque. Direction cette semaine, le monde étrange du Parti communiste français, alors qu'en ce moment a lieu à la Courneuve la fête de l'humanité. Alors, il vient d'où le PCF? Eh bien, ses origines se retrouvent chez les socialistes utopistes du 19e siècle et dans les premières organisations ouvrières qui se réfèrent aux idées de Karl Marx. La première prise de pouvoir par des prolétaires a d'ailleurs eu lieu en France en 1871 avec la Commune de Paris, il y a donc un peu plus de 100 ans. Il y a 100 ans, commune, comme un espoir mis en chantier. Il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. Le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément et l'international d'Eugène Potier berce la commune de Paris qui fut rapidement écrasée dans le sang. Pourtant, la lutte des classes se poursuit et prend un nouveau tournant après la révolution bolchévique de 1917. Partout en Europe, les révolutionnaires s'opposent alors aux réformistes sur la manière de prendre le pouvoir. Ainsi, en France, au congrès de Tours, en 1920, une partie des socialistes décide de rejoindre la Troisième Internationale créée par Lénine en 1919. C'est une scission profonde et c'est surtout la naissance du Parti communiste français. Le PCF est alors très vite surnommé le Parti de Moscou, car derrière les institutions officielles comme le Comité central ou le Bureau politique, un appareil politique parallèle est mis en place. Un appareil directement contrôlé par le camarade Staline. Et oui, avec le PCF, c'est tout Moscou à la maison. Après la Seconde Guerre mondiale, les communistes qui ont activement participé à la résistance bénéficient du prestige de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Les nouveaux adhérents sont nombreux, ce qui ravit Maurice Thorez, secrétaire général du parti, en 1945. Après Marcel Cachin, c'est Maurice Thorez qui montait à la tribune. Chers camarades, en cette fête magnifique de l'humanité, au nom du comité central du Parti communiste, j'ai la joie immense et la grande fierté de remettre au camarade Prouveau, un mineur de Bruay-en-Artois, la carte du millionième adhérent du Parti communiste français. 1 million d'adhérents. Quel signe éclatant de l'influence grandissante du Parti communiste, fidèle irréductiblement au principe du socialisme scientifique, du socialisme de Marx, Engels, Lénine et Staline. Marx, Engels, Lénine, Staline et Pif Gadget, bien sûr. Alors effectivement, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, le PCF est une force politique incontournable. D'ailleurs, le Parti communiste se construit comme une véritable machine à détruire toute opposition, principalement celle de l'intérieur. Le camarade doit respecter la ligne du parti, alors dictée par Staline. Ainsi, quand le camarade écoute la radio en mars 1953, eh bien, il est effondré. Le maréchal Staline vient de mourir. Des funérailles grandioses viennent d'avoir lieu à Moscou, 27 ans après celle de Lénine, dont Staline était le successeur. Malenkov prend la lourde succession de Staline, la succession d'un homme déifié, comme aucun homme d'État, sauf peut-être Auguste à Rome et Hitler en Allemagne, ne l'a été dans l'histoire. La voix de Staline n'avait peut-être pas les effets galvanisants dont se servait Hitler, mais elle était persuasive et le texte prononcé prenait une valeur sacrée. Le Tovarech Staline disparu, certains s'interrogent sur le totalitarisme stalinien et sur la confiscation de la révolution dénoncée par Trotsky dès 1938. Les critiques s'accélèrent en 1956 quand l'URSS envoie ses chars sur Budapest ou encore en 1968 quand elle écrase le printemps de Prague. Et oui, le militant de base, parfois, il rend sa carte du parti. Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point de nous quitter. J'aurais toujours gardé au fond de moi l'amour que j'ai eu peur de perdre autant de fois, puisque tu as triché. À présent, tu peux t'en aller. Ainsi, certains militants ont quitté le PCF stalinien pour suivre d'autres voies, révolutionnaires ou réformistes. Le PCF, quant à lui, a parfois directement participé au pouvoir. Ce fut brièvement le cas en 1946-47, puis en 1981, dans le premier gouvernement maurois, et aussi en 1997, dans la gauche plurielle de Jospin. Alors officiellement, un accord PC-PS, ça se passe comme ça. François Mitterrand, le leader du Parti Socialiste, donnera jeudi prochain une conférence de presse à la Cité Malesherbes à Paris. Pour le premier secrétaire du Parti Socialiste, cette conférence sera très probablement une occasion de parler de l'accord conclu entre le Parti Communiste et le Parti Socialiste sur un programme commun de gouvernement, cela quelques jours après que les deux partis se soient réunis et aient avalisé l'accord passé. Donc voilà, le PCF s'allie de temps en temps avec les socialistes, qu'ils surnommaient social traîtres. Alors qu'en réalité, une alliance avec le PS, pour le bureau politique du PC, c'est plutôt ça. Nous ne choisissons pas, on est choisi par eux, qui se font une tête d'imbéciles heureux. Ils nous donnent le change, en mettant la sourdine, toujours là, toujours prêt, disponible et serviable, nageant comme un poisson dans la compromission. Mon ami, mon Judas, joue le jeu, ne te gêne pas, courtise-moi, fais des courbettes, jure que tu es mon ami, dévoué, sincère et honnête. Que c'est à la mort, à la vie, mange mon caviar à la louche, fume mes Havanes au kilo. Eh oui, les relations entre les camarades socialistes et les camarades communistes sont parfois tendues. Pourtant, il y a une certitude. Normalement, enfin, dans la lutte des classes, l'ennemi commun devrait être un autre camarade. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, la triomphe en bas de chez toi, le petit chèque en fin de mois, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche, ton petit complet veston et ta chemise blanche, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu roules en Ferrari ou en Lamborghini, tu roules des épaules, tu te crois super drôle, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, je sais ton père est patron, faut pas en faire un complexe, le jour de la révolution, on lui coupera que la tête, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu passes ton temps au drugstore sur les Champs-Élysées, tu te crois très très fort, t'es jamais qu'un minet, regarde-toi, ah, ah, ah, regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, rejoins les rangs de la pègre, tu prendras vraiment ton pied, ne sois plus une petite bête, nous sommes tous des défoncés, regarde-moi, ah, ah, ah, regarde-moi, ah, ah, regarde-moi, ah, ah, regarde-moi, ah, ah, regarde-moi, ah, ah, regarde-moi, ah, ah, regarde-moi, ah, ah, regarde-moi. Camarade bourgeois, c'est ce que chante l'agitateur Renaud en 1975 sur un album intitulé « Amoureux de Paname ». Cette année, le camarade Renaud revient et nous chante cette fois « Elle est facho, elle vote Sarko ». Mais bon sang, que fait la police politique ? Alors, pour continuer notre longue marche dans les arcanes du Parti communiste français, après avoir réécrit l'histoire des bolcheviks de l'Hexagone, il est temps désormais, à 11h20, de nous intéresser à la panoplie du parfait militant coco, dissident compris. Alors oui, Je te le demande, à quoi reconnaît-on au premier coup d'œil un communiste ? Ainsi, comme chacun sait, certains groupes sociaux, politiques ou professionnels possèdent des codes secrets ou des signes distinctifs qui leur permettent de se reconnaître rapidement. Par exemple, tout le monde sait qu'il faut toujours se méfier des moustachus, car en général, ils aiment aussi porter un képi et une matraque. De la même manière, le gangster, lui, se fait tatouer 3 points en forme de V à l'intérieur de son poignet pour signifier « mort aux vaches ». Eh bien, les militants communistes n'échappent pas à cette règle. Il existe en effet certains signes d'appartenance au Parti communiste. Avant tout, le comité central exige de toi une tenue vestimentaire très particulière. Le bolchevique français se doit donc de porter une barbe taillée en collier, des sous-pulls orange en acrylique et des vestes côtelées en velours marron ou beige. C'est ainsi que si tu croises un barbu qui sort tout droit des années 70, tu peux lui faire remarquer sans crainte que, déguisé comme ça... Le look coco, donc, est très identifiable, finalement. À toi de voir maintenant si tu souhaites l'adopter. Cela dit, il faut faire attention, car certains militants communistes, conscients qu'ils étaient en train de se ringardiser, ont tenté d'infléchir la ligne du parti en essayant de moderniser cette tenue vestimentaire, notamment à la CGT. Les camarades m'ont dit, laisse-toi pousser les cheveux pour l'action syndicale, on fait rien de mieux. Paraît même que maintenant, pour s'inscrire au parti, il faut se mettre une chemise à fleurs et des bigoudis. Quand on veut faire connaître nos revendications, on ne manifeste plus place de la nation. On prend nos faucilles, nos marteaux et comme des hommes, on va danser le jerk ou Kremlin Palladium. Dada ! Ah, le Kremlin Palladium, on en rêverait. Pour y entrer, il te faudrait la carte du parti, accessoire indispensable bien sûr à la panoplie du militant communiste modèle. Bien entendu, au Kremlin Palladium, il n'y aurait pas d'espace VIP. Ainsi, tu danserais librement le Kazatchok aux côtés du camarade Robert Rue, sous l'œil bienveillant d'une statue en plâtre du camarade Staline. Et puis, au bar du Kremlin Palladium, surnommé le Krasuki Lounge, de vieux apparatchiks imbibés de vodka russe ou de rhum cubain tenteraient de transmettre à une jeune femme militante les fondamentaux de la doctrine marxiste. Vodka, caviar, champagne, hein? Ешь, не стесняйся, это вкусно. Je vais finir par croire que le communisme, c'est vraiment le luxe. Irène, nous en serons vraiment au communisme quand le plus modeste des ouvriers sera capable de diriger les affaires de l'État, et pas avant. Pour ça, je vous fais confiance. D'ailleurs, à ce moment-là, l'idée même de l'État ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Qu'est-ce que vous en aurez fait? Elle se serait effondrée de lui-même, tout simplement. Bon débarras. Na zdorovie. Mais bon, soyons réalistes, camarades, et prenons congé de l'utopie, car le Kremlin Palladium et ses festivités ne font pas partie du quotidien bolchevique français. En revanche, le comité central du Parti communiste impose à ses militants de glorifier des idoles communes. Ainsi, dans ta chambre ou dans ton salon, tu dois encadrer les portraits de Marx, Engels ou du Che. Il arrive même parfois que les cadres du parti parviennent à faire venir les idoles à la fête de l'UMA, comme en 1985. Vous êtes formidables. Pour remettre les choses en place, j'aimerais vous dire que moi, Johnny Hallyday, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui à la fête de l'humanité. Car avant tout, c'est une fête des Français. Mais bon, à l'instar de Johnny, qui lui désormais a rejoint l'UMP, certains militants communistes, eux aussi déçus, ont également rejoint, comme Johnny, des groupuscules. On les appelle les dissidents. Cela dit, il n'est pas très difficile non plus de les repérer, ceux-là. Les maoïstes, par exemple, portent des vestes, comme celle de Jack Lang, mais surtout, les Mao, comme on dit, se trimballent toujours avec un détail qui tue, c'est le... C'est le papier, lèvres rouges, qui fait que tout l'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tu et moi je mets Mao Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao Mao. Ah, le célèbre petit livre rouge, tout un symbole pour le militant maoïste. Et puis, parmi les dissidents, il y a bien sûr les anarcho-syndicalistes, ceux qui ont rejoint les troupes de la CNT, la Confédération Nationale du Travail. Eux aussi, bien sûr, ont toute une panoplie et dans n'importe quelle manif, c'est très simple de les distinguer. Ils sont très énervés et surtout, ils sont... rouge et noir. Tout cela étant dit, il nous reste maintenant à découvrir l'élément le plus important dans la panoplie d'un authentique militant communiste, savoir manier parfaitement la rhétorique pour contourner la vérité. Le maître en la matière fut sans aucun doute Georges Marchais, secrétaire général du PCF, dont Thierry Leluron connaissait toutes les ficelles par cœur. On écoute ce savoir-faire juste après le nouveau jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Alors avec vous, Monsieur Marchais, nous allons essentiellement parler de politique étrangère, bien sûr. Oui, là, je vous arrête tout de suite. Vous savez, pour moi, parler de l'Union soviétique, c'est pas parler de politique étrangère. Ça soit clair et net. Hein. Bien. Il y a une raison simple, d'ailleurs, c'est que le Parti communiste français et le Parti communiste soviétique, oui, sont des partis frères. Ah oui, d'accord. Mais alors, la France et l'URSS ? Et ta sœur. Je ne comprends pas, là. Ce sont des états sœurs. Ah, ce sont des états sœurs. Voilà. Ah, très bien. Monsieur Marchais, vous allez vous asseoir ici, sur la plus haute part du podium. Ouais. Alors, monsieur Marchais, si par hasard vous omettiez une vérité... Oh, c'est pas le genre de la maison. Si vous alliez jusqu'à dire un mensonge... Oh là là là. Loin de moi, cette idée. Ah, bah, on ne sait jamais. Voici ce que ferait notre véritomètre. Oh, oh. Vous pouvez y aller. C'est pas moi qui vais user votre truc. Hein. Je ne dis que la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité. Et puis c'est tout. Ah non, il fallait me prévenir que c'était branché. Hein, moi, ah, qu'est-ce que vous faites? Liliane, fais les valises, on s'en va. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, revenez, revenez, revenez, revenez. Allez, comme vous êtes le premier, je vous fais un petit cadeau. Et vous restez, hein. Une minute sans le véritomètre. Une minute sans votre gros appareil. Voilà, mais pas plus. Où est la caméra? Devant vous. Top chrono. Mes chers camarades, je m'adresse à vous ce soir en tant que secrétaire général. Des grands partis comme le nôtre. Voici des honnés, que vous êtes des millions et des millions à voter communiste. Et cela m'a permis, lors de la dernière fête de l'humanité à la Courneuve, de constater à quel point qu'on était devenu un grand parti, puisque nous avons multiplié le nombre des adhésions. Par combien? Ben, je respecte le temps qu'il met en parti. Nous avons donc rebranché l'appareil, M. Marchais. Oui. Ce sera ma première question dans le monde politique français actuel. Où se situe votre parti, le Parti communiste? C'est une bonne question. Non, c'est sensible, votre... Monsieur Marchais, on va parler un petit peu de la dissidence, si vous le voulez bien. Comment va, Monsieur Sakharov? Ben, aux dernières nouvelles, Andrei Sakharov va très très bien. Va mieux que Tchernienko. Well, look at the kid from school. He's teaching mamas and papas how to be a little cool. He's changing fashion the way he dressed. Attracted to old Bella hoodies, red and morning for the kid with the will to funky dances in secret. He's a part-time punk. Now she's getting off the plane. She wants to write a thesis on the population underprivileged. The kid's fighting up the lane. The shoplifting, just drifting like the switchblade on the crossbar of this trouble. She's got the moves. She's taken an elementary class in Kung Fu. A lamp I'm washing in the laundrette. You can put some money on it. You can place a little bet that when I see my washing, the black will be gray and the white will be gray, but the blues are still blue. I'm crying out for my mom. If the malady don't go away, we're in a little trouble with the boss of the company. I'm a singer, a swinger, I'm a layabout, laying on the dock and the lazy. Some will never quite relegate me to the bum. I left my lady in the laundrette. You can put some money on it, you can place a little bet that when I see my lady, black will be white and the white will be black, but the blues are still blue. The blues are still blue, chante le groupe écossais Belle and Sebastian. The blues are still blue, le blues est toujours bleu, alors que les marches militaires, elles, qu'elles soient soviétiques, chinoises ou ricaines, elles sont toujours rouges, rouges sang. Alors, pour poursuivre notre exploration de l'univers rouge du PCF, la panique, toujours en direct du Mangin Palace, a décidé ce matin d'imaginer quelque chose de terrible. À savoir que les chars de Brejnev soient effectivement arrivés à Paris après l'élection de François Mitterrand en 1981. Alors, comment serait-elle la France si en mai 81, donc, au lieu de danser là, le peuple de gauche avait fait la révolution ? Imaginons donc que ce fut le grand soir, je ne sais pas moi, disons à Paris, vers 17h. Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris. Alors voilà, imaginons que le peuple se soit éveillé et que nous nous trouvions aujourd'hui sous un régime communiste, autrement dit dans la République populaire de France, alliée à Cuba et à la Corée du Nord. T'imagines la honte. Dans ce cas, M. Rothschild n'aurait pas racheté le quotidien Libération. Bien sûr que non, puisque Libération, ni les autres journaux d'ailleurs, n'ont le droit de paraître. Le journal qui passe dans toutes les mains, c'est... L'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin. Et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins, l'humain. Et oui, dans la République populaire de France, la RPF donc, tout le monde lit l'humain. Attention, ce journal n'est pas la seule source d'information. Il y a aussi la télévision où l'on retrouve la camarade Claire Chazal tous les soirs à 20h. Très honorés téléspectateurs, qu'il nous soit permis d'insuffler à vos cœurs la sérénité que procure l'adhésion à l'idéologie marxiste-léniniste. Dans le cadre de l'action d'information civique des masses populaires, voici notre nouvelle émission, le Pilori télévisé. Le Pilori télévisé ? Le Pilori télévisé. Une émission de l'Office révolutionnaire de radiodiffusion et de télévision permettra chaque jour aux Français de haïr en toute indépendance d'esprit un mauvais citoyen coupable d'agissements contraires. C'est joli la couleur, hein ? C'est bien. Ça, c'est meilleur. Aujourd'hui, un ignoble trafiquant coupable d'avoir stocké des pneus de bicyclette et du mercurochrome, lésant ainsi gravement la collectivité. Et puis, dans la République populaire de France, le président des commissariats du peuple, c'est le Che, le camarade Chirac, le grand timonier qui a vendu, ça on l'a pas inventé, hein, l'humanité dans sa jeunesse et qui aujourd'hui sait enflammer les foules par ses discours exaltés. Camarades, ce G8 est une honte, il n'a aucune légitimité. Est-ce que seuls les pays riches doivent organiser le monde et toujours à leur seul profit sur fond d'exploitation de la misère? Je vous le dis, camarades, un autre monde est possible. Les pays riches pillent nos richesses, nos ressources et notre travail. Taxons les transactions financières, taxons les marchands d'armes, faisons payer les pollueurs. Nos passaranes, vive la révolution! On peut changer le monde. Salaud de bourgeois! Salaud de bourgeois, voilà le nouveau mot d'ordre dans une France soviétisée. Bon, bien sûr, certains ont du mal à s'adapter aux nouveaux usages. Tiens, par exemple, François Fillon, lui, ce qui le gêne le plus, c'est qu'on ne l'appelle plus Monsieur Fillon. Mais son ami, le camarade Sarkozy, il lui dit de ne pas s'inquiéter parce que... C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais. Qui marie cerise et grenade au sang fleur du mois de mai. Eh oui, Nicolas Sarkozy, ça ne le gêne pas qu'on l'appelle camarade. Il faut dire aussi que dans la République populaire de France, il joue un rôle très important. Il est commissaire du peuple chargé de la police politique. Et ça ne lui pose aucun problème. Oui, je suis du côté de l'œuvre de rénovation nationale et marxiste. Et ça, je veux y contribuer, puisque le monde progresse, l'avenir est radieux. Personne ne peut changer, vous entendez, personne ne peut changer le courant général de l'histoire. Et l'amour dans tout ça? Mais ma petite fille, il n'y a plus qu'un seul amour, celui du peuple. Eh ben, bravo, elle a été vite oubliée. La camarade Cécilia. Alors voilà, dans une France dirigée par le PCF, nous sommes tous heureux, sans aucune crainte, pourvu que nous respections la ligne dictée par le parti. Pourtant, il existe une minorité d'opposants, des dissidents, les socialistes. Et vraiment, ce n'est pas facile pour eux. Ils doivent se cacher et surveiller leurs paroles. Ainsi, le camarade Fabius risque gros en posant des questions à la con en public. Mais à propos, c'est quoi la lutte des classes? Pardon? La lutte des classes, c'est quoi? Tu te fous de moi, là? Non, mais je sais ce que c'est, ça va. Mais je voudrais savoir ce que c'est exactement, quoi. Non, rigolez pas. Et non, la police politique stalinienne ne rigole pas. Même dans une France aux mains des communistes, Fabius ne sait donc pas ce qu'est la lutte des classes. Aujourd'hui, ce n'est pas trop grave. Mais dans une France bolchevisée, le camarade Fabius est alors certain d'obtenir une nomination pour un procès public. Le temps est à l'orage, ça gronde, l'annonce des nominations s'abat telle la foudre sur le château et ça va littéralement péter entre deux élèves, c'est chaud. Aïe, aïe, aïe, ça va être chaud. Alors, vous voici donc réunis pour connaître les nominés de cette deuxième semaine. Fafa, tu nous as fait une très belle entrée de scène, mais malheureusement ton effort créatif s'est arrêté là. Tu es donc nominé. Tu as un vrai potentiel, mais tu n'es pas sur la bonne voie. Tu es nominé. Eh oui, le dissident Fafa... Fabius, donc, est nominé. C'est une purge, il risque le goulag. Il a beau se défendre, Fabius, il a beau expliquer qu'il a voté non à la Constitution européenne, qu'il a une écharpe rouge et surtout qu'il adore le caviar beluga importé de Russie, rien n'y fait, le réquisitoire est terrible. T'es un fils de bourgeois pas riche, et bourgeois quand même. Le malheur, c'est que t'aimes rien. Ni les femmes, ni l'amitié, ni rien de la vie. Tu causes comme un oracle, mais la vraie misère, tu l'as pas vécue, tu l'as lu dans les livres. Tu t'accroches à la... au communisme parce que t'es vide. Tu parles de la révolution, t'as jamais eu faim. Au fond, t'es pas des nôtres. Même si chez nous tu prends du galon, tu seras jamais des nôtres. Le camarade Fabius, quand il entend ce réquisitoire, il est désespéré. Lui qui a lutté toute sa vie pour la cause du peuple, lui qui n'est pas dangereux puisqu'il est socialiste. Il ne peut pas aller au goulag, surtout qu'il risque d'y retrouver Arlette Laguiller et Olivier Besancenot. Ça le déprime. Alors, pour sa défense, dans une ultime parade, le camarade Fabius fait appel aux plus hautes autorités communistes. Toi, Vladimir Ilitch, si tu es le prophète, viens nous parler encore en plein cœur de Moscou et répands la nouvelle à travers la planète. Amis du genre humain, ils sont devenus fous. Mais rien n'y fait. Dans la République populaire de France, on ne plaisante pas avec la lutte des classes. Les opposants vont en goulag et on n'a plus que ses deux yeux pour pleurer, sans compter l'œil de Moscou. Avalé par des yeux immenses, en parler comme si c'était les miens. Nager dans tes yeux, laver l'élégance, voilà que moi je baisse les miens. Longer tes jambes immenses, tout ça m'est comme alors. Jusqu'à demain, on serait peut-être au bout de la France. Marseille, en fait, j'en sais rien. Ça paraît possible, en apparence, possible, si tu veux bien. Si l'on marchait, chante cette année le groupe Louise Attaque sur son nouvel album À plus tard Crocodile. Si l'on avait confié la désannonce de ce disque au comité central du Parti communiste, voilà ce que tu aurais entendu. Si l'on marchait, Georges, chante cette année le groupe Louise Michel Attaque sur un album intitulé Un canular Tchernobyl. Alors, pour poursuivre notre épopée romanesque dans l'univers communiste, il est grand temps désormais, à 11h42, de retrouver nos deux apparatchiks, les révolutionnaires Jean-Claude et Monique. Depuis la rentrée, la vie quotidienne de nos deux héros a radicalement changé suite à la rencontre inopportune qu'a faite Monique durant l'été. Avant tout, il faut savoir qu'il y a bien longtemps, surtout pour emmerder ses parents, Monique fut adhérente des jeunesses communistes. Et voilà-t-il pas qu'il y a quelques semaines, au cœur du mois d'août, par hasard, dans un camping paumé, elle a retrouvé Vladimir, un ancien camarade de la section. Ce soir-là, ils ont beaucoup bu de la vodka, bien sûr, et Monique s'est souvenue avec nostalgie de cette époque dorée où elle avait le sentiment d'appartenir à la grande famille communiste. Anton, Ivan, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi, Sacha, Sonia, David et moi, Dimitri, Yanni, Natacha et moi. Jean-Claude, fervent admirateur du général de Gaulle, n'a jamais digéré ce passé bolchevique de Monique. Toujours est-il que ses retrouvailles avec Vladimir ont replongé Monique dans ses vieilles théories marxistes. Du coup, depuis, elle tente d'imposer à la maison un mode de vie soviétique, ce qui n'est pas sans créer des tensions, surtout entre Jean-Claude, le gaulliste chiracien, et ses enfants, Elsa et Rémi. T'es vraiment comme ta mère ! Avec ses déclarations débiles de socialo. Ma mère ne rouspète pas. Elle essaye, grâce à des critiques constructives, de changer progressivement les rapports sociaux. Ouais. Mais ça vous a jamais intéressé? Non. T'as vu ce qu'on est devenu? On est dans un club de vétérans socialistes. Bonsoir. Pourquoi ça? T'adhères pas au club, hein? Ouais. Et on te fera payer. Bah, toi, ça va. Il s'est acheté une Trabant, figure-toi. C'est vrai? Ouais, un break. J'arrive pas à y croire. Ouais, enfin bon, si Jean-Claude s'est acheté une Trabant, c'est surtout parce qu'il trouvait ça cool et que ce n'était pas cher. Cela dit, mardi dernier, la tension est encore montée d'un cran. Monique, ne supportant plus l'oppression des masses populaires, a décidé de ne plus faire venir la femme de ménage à la maison. Le soir, au dîner, face à Monique, Jean-Claude était fou de rage après les marxistes. C'est le bordel chez vous, hein ? On peut faire n'importe quoi, il suffit d'avoir sa carte du parti et vas-y que je te dénonce, que je t'expulse, que je te menace. Tout est permis, hein. Allons, allons, allons. Allez, coco. Exaspérée par cet anticommunisme primaire, Monique dit à Jean-Claude qu'avec ses origines de petit bourgeois, là, il ne peut pas comprendre ce qu'est la misère du peuple. Là-dessus, Jean-Claude voit rouge, enfin, façon de parler, et rappelle immédiatement à Monique qu'il a grandi à Béthune et que... Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Jean-Claude poursuit sa rouge colère en ajoutant que lui au moins, il a fait le voyage à Moscou quand il était jeune. Monique tombe des nues et lui demande d'arrêter immédiatement son délire. Mais non, Jean-Claude maintient qu'il est allé à Moscou et d'ailleurs, il s'en souvient très bien. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. En découvrant cette confidence, la camarade Monique est totalement effondrée. C'est un peu comme si le mur de Berlin était tombé une seconde fois. Vexée et meurtrie, elle avoue à son tour à Jean-Claude que samedi prochain, elle doit retrouver Vladimir à la fête de l'UMA. Elle hésitait, mais là, c'est sûr, elle ira. C'est ainsi qu'hier après-midi, Monique est à la Courneuve à la fête de l'UMA sans Jean-Claude, donc où elle assiste en compagnie de Vladimir au débat de 15h30 intitulé « Lutte des classes et ostréiculture ». Mais bon, Monique ne se sent pas très bien, elle repense évidemment à cet aveu de Jean-Claude. C'est alors que Vladimir et quelques camarades tentent de la rassurer. Un jour, ton mari aussi deviendra communiste. Oh, ben ça m'étonnerait. J'ai tout essayé. Il faut avoir de la patience. Mais ça sert à rien, il fait tout pour me contrarier. Assieds-toi. Juste avant la révolution, il y avait à Tiflis un petit cordonnier qui possédait une échoppe. Il s'aperçut que ses camarades formaient des syndicats et appelaient à la grève. À ce moment-là, notre cordonnier prit conscience qu'il pouvait trouver sa dignité, non pas en ouvrant un atelier à soi, mais en luttant contre les patrons. Et ensuite, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est devenu communiste. Monique se dit malheureusement que Jean-Claude n'a rien d'un cordonnier soviétique. Cela dit, au même moment, le camarade Jean-Claude, Penaud, arrive en trabant à la fête de l'UMA. Sur le parking visiteur Nikita Khrouchtchev, il fait un malheur. Il est ici pour retrouver Monique, lui présenter ses excuses et surtout l'arracher des griffes communistes de Vladimir. Jean-Claude s'engouffre donc dans l'allée principale et remonte les nombreux stands des fédérations communistes venues de toute la France. Jean-Claude se veut alors poli et courtois. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien, salut à toi, le mohican, salut à toi, peuple gitan, salut à toi, l'éthiopien, salut à toi, le Après avoir salué tout le monde, Jean-Claude s'aperçoit qu'il sera très difficile de retrouver la camarade Monique ici. Il ne pensait pas qu'il restait autant de cocos en France. C'est alors qu'il tombe sur le village ukrainien qui propose gratuitement, oh c'est le communisme, une dégustation de vodka. Jean-Claude décide de faire un arrêt au stand, seulement voilà, après 6 vodkas vautrés sur le bar, il dérape complètement. La différence entre le PC et le Beaujolais... C'est que le Beaujolais est sûr de faire 12,5. Le russe qui a eu le moins de chance, c'est Yuri Gagarin. Il a fait 17 fois le tour de la Terre et il est retombé en URSS. Le communisme, c'est une des seules maladies graves qu'on n'a pas expérimenté d'abord sur des animaux. Est-ce que le communisme pourrait arriver en Suisse ? Sûrement pas, c'est un trop petit pays pour un aussi grand malheur. La différence entre le Parti communiste français et le Titanic, C'est qu'au moins pendant le naufrage du Titanic, il y avait de la musique. Heureusement, les Ukrainiens ne comprennent rien au français et ils s'amusent surtout de voir le camarade Jean-Claude ivre mort. D'ailleurs, Jean-Claude les trouve plutôt sympas. Quand, tout à coup, tels les chœurs de l'armée rouge, la fête de l'UMA tout entière se met à vibrer. Jean-Claude, ivre mort, le poing levé, les accompagne. C'est alors que Monique aperçoit le camarade Jean-Claude chantant avec ferveur l'international, le poing levé tel un stakhanoviste de la lutte des classes. Elle n'en croit pas ses yeux, elle se précipite vers lui, saute dans ses bras et lui dit qu'en réalité... Ma révolution porte ton nom, ma révolution n'a qu'une seule façon de tourner le monde, de le changer. Jean-Claude est heureux et soulagé, mais complètement défoncé à la vodka. Vladimir lui dit d'ailleurs qu'on dirait Boris Eltsine. C'est à ce moment-là que le camarade Jean-Claude s'effondre, ivre mort. Aujourd'hui, il ne se souvient plus très bien de son passage au pays des soviets. Mais bon, il a retrouvé la camarade Monique, c'est le principal, fin de l'histoire. Et puis, de toute façon, il est gaulliste chiracien. Donc en réalité, pour Jean-Claude, la politique, ça dépend, faut voir quoi. Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Ne jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste. L'opportuniste, c'est ce que revendique Jacques Dutronc en 1968. Et il n'avait pas tort, Jacques, car en mai 68, au tout début des émeutes à Nanterre, au Parti communiste, on parlait des faux révolutionnaires qu'il fallait démasquer et l'on évoquait les juifs allemands avant de se rallier au mouvement de masse. Opportuniste, donc. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration de l'univers radieux du communisme à la française. Du congrès de Tours à la fête de l'UMA, des purges staliniennes aux espoirs du grand soir et de Maurice Thorez au camarade Vladimir, nous avons tenté de te dresser un panorama subjectif de ce qu'a pu être le PCF. Alors, c'est quoi le PCF ? Bien sûr, c'est un parti politique qui, pendant longtemps, a reçu ses ordres et ses subsides de Moscou. Le parti communiste fut contraint de se réformer après la chute de l'URSS. Le PCF, qui représentait près du quart des électeurs dans les années 50, récolte aujourd'hui moins de 5% des suffrages. Oh là là, c'est dur, hein. Pourtant, quand on met de côté l'appareil politique écrasant, on se rend compte que le Parti communiste a représenté pour des millions de Français tout simplement l'espoir d'un avenir meilleur. Pour beaucoup de militants de base, pour les mineurs de fond, et pour les ouvriers, pour les intellectuels et des artistes, le PCF représentait la lutte des classes et la camaraderie. Pour certains, donc, de quoi avoir la nostalgie. La nostalgie camarade. Alors, pour terminer cette émission, après les tentatives de Raymond Aron et de Jean-Paul Sartre, la panique au Mangin Palace a sans doute retrouvé la meilleure définition du communisme stalinien. Elle est attribuée à Henri Janson. Écoute bien. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, alors que le communisme, c'est le contraire. Bien vu. En effet, après la Russie soviétique de Staline, la Russie libérale de Poutine, ça n'a pas beaucoup changé. Un vrai choc pour les Cosaques. C'est la camarade Rika Zaraï, masse populaire, qui danse dans les steppes sibériennes. Voilà, fin du 44e épisode. C'était « C'est quoi les communistes français ?» revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Foutraque et archi loufoque. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite. Les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux. Merci beaucoup, Xavier. Au platier de montage, il y avait bien sûr Marie-Henri Marc Mutel, réalisateur. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Claudine Lapersonne et de Fabrice Desmaz. Merci, ou deux, pardon. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard et Nicolas Hossard, notre stagiaire. Pour les scuds de ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère. Merci enfin à Lina. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes podcaster l'émission. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc en direct dimanche prochain. Mais surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.